pour sa raison, tout m'a fait à toi. Sans vos ancêtres qui finissent ici, que tu me racontes moi comment pour faire ça. Et pour sa raison, à toi.